7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hello, bon dia à la planète et la familia. J'espère que vous allez bien sous la chaleur. Pas facile de dormir en ce moment, mais on est là pour vous donner le rayon d'où le sol. Courage à vous si vous allez bosser ce matin. Oui, les températures baissent un petit peu aujourd'hui. On va passer à 38 degrés, ouais, un petit peu moins chaude qu'hier. Et normalement, demain, des risques d'orage et de pluie sont prévus ce mercredi. Qui va rafraîchir toute la région du Loiret. Ça va faire du bien. Une pensée à tous les pompiers de la Gironde qui luttent encore contre les incendies qui ravagent pas mal de campings. On est de tout cœur avec eux. Voilà, belle journée sous le soleil de Réunion française. 7h01, on est en direct comme tous les matins. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel.

16h, c'est Francky dans la radio. Coucou à Jeanne qui nous écoute sur le 96.2 FM. Elodie aussi qui est partie au boulot ce matin. Il fait déjà chaud, Francky. 25 degrés au bureau. Bah oui, 7h22 avec le meilleur de la musique et les Boogie Boogie Wonderland, Orbit on Fire. Belle journée et bon réveil. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. que me voy yo contigo. Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje. Baila mi morena, ese swing salvaje, métele coraje y no te me raje. Hasta abajo dale, que nos vamos pa' la isla hermana, sadugueando con los tigres y la dominicana. Hace tiempo que tengo ganas de ajurarme en Punta Cana con mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir. De rumbón por Latinoamérica repartir, de rolling pin morena hasta el fin, porque vinimos a París y arriba pa' dormir. A París y arrino pa' dormir, vinimos a París y arrino pa' dormir, vinimos a París y arrino pa' dormir, vinimos a París y arrino. Me vuelves loco cuando tú te pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco. Es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco. C'est Francky dans la radio, on vous souhaite une belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Et oui, on est bien, 38 degrés aujourd'hui, 39. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio, une bonne pensée à tous nos amis pompiers qui sont partis aussi de Paris et d'Orléans pour lutter contre les incendies en Gironde. Et on est triste aussi parce que pas mal de campings qui ont été atteints, des gens obligés d'évacuer. Plus de 16 000 personnes ont été évacuées en Gironde, et notamment le camping des Flots Bleus, le fameux camping de, où le, a été tourné Dubosc, qui avait tourné les films de camping, et a été évacué d'urgence. Et a été détruit à quasiment 75%. Une grosse, grosse pensée pour tous nos amis du soldat du feu qui luttent encore en ce moment en Gironde. Et puis une pensée à mes potos aussi du collectif qui sont de Bordeaux. Voilà, je voulais leur faire un petit coucou ce matin, un message d'espoir en espérant que la météo tourne du côté de la Gironde et que la pluie arrive. Comme nous, demain, la pluie devrait arriver sur Orléans, ce qui va faire du bien. 8h30, il sera avec nous au téléphone depuis Tours. Eh ouais, détective privé. Vous ne connaissez peut-être pas cette profession, vous la connaissez peu. Eh bien, Fabrice Bro, une belle agence de détective privé, sera avec nous au téléphone pour nous parler un peu de ce métier peut-être méconnu, ou alors avec des clichés, avec les lunettes de soleil, le chapeau, l'imperméable. Eh bien non, ça a beaucoup évolué justement ce métier. Il nous expliquera tout ça tout à l'heure en direct depuis Tours au téléphone. C'est Fabrice Bro, détective privé depuis oulala, des lunes. Et des lustres. René avec vous avec du son caliente pour vous réveiller, vous sortir de lit, 7h32 minutes. Et le son en duo soleil avec Jaja O et Master Jack. Dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão. Tu dizias que me morres, que me adoras. já já. Quando tu dizias pra pedir a tua mão. E o que faço eu? Se não tenho o teu carinho. E o que faço eu? Se não tenho o teu beijinho. E o que faço eu? Se não tenho aonde eu te encontrar. E o que faço eu? Se não tenho aonde me amar. Me diz porquê, pelo amor de Deus. Sabes que eu amava até meu coração. Eu não mereço, oh, oh. Juro eu não mereço, baby. Não, eu não. Eu juro não entendo, baby. Parece coisa de outro mundo, sweet. E se for tudo, quebra esse feitiço, eu quebro a minha boca. Honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de bingilé. Vou tirar o pé, já se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava até do coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. Princesa pra rainha do Jajão. Eu não mereço. Eu não mereço. Sur 9h avec l'Angolais, Master Jack et Jajao. Coucou à Mathieu qui nous écoute à Olivet. Salut Mathieu, belle journée qui commence une heure avant pour finir plus tôt avec la chaleur. C'est vrai que travailler un peu plus tôt le matin, ça fait du bien. Les températures sont un peu plus fraîches la nuit. Ouais, c'est clair. Normalement, ça devrait baisser demain. On va passer de 38 à 26 degrés. Ouais, la pluie devrait faire son apparition dans la nuit avec quelques orages. Le soleil caliente qui arrive. Et Camaleon. Non, non, non. Belle journée et bon réveil. No, no, no, no, no. Guapita no. 6h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Yeah. ça fait du bien aux oreilles. Le meilleur des souvenirs 80 avec les Brothers Johnson. Stomp, Francky dans la radio, 7h47. Belle journée sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel ce matin. On vous souhaite un bon réveil. Et puis un Américain, je viens de voir un petit truc sympa. Bon, ça va, il lui a rien arrivé de grave. Il est parti en vacances en Italie. Il a voulu faire un selfie sur le volcan, le Vésuve. Et il est tombé de 23 mètres. Et heureusement, il n'a rien eu quasiment. À part quelques égratignures, il s'en sort plutôt pas mal. Voilà pour cet Américain de 23 ans qui a voulu jouer avec la hauteur et puis surtout s'engager sur des chemins qui étaient strictement interdits au public. En tout cas, il est vivant, c'est l'essentiel. Matt Houston, pour le meilleur des souvenirs, est positif sur Radio Arc-en-Ciel. Si vous voulez danser avant d'aller au bureau, pourquoi pas, avec Matt Houston, c'est ce que nous dit Virginie du côté d'Orléans, avec des températures plutôt pas mal aujourd'hui encore, hein, jusqu'à 38-39 degrés. Ça baisse légèrement avec du son funky music, Mark Ronson et Uptown Funk. Got

I got closer and started to say, hey, hey, hey, wow, wow. This way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God. If I catch you, delicious, delicious. This way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God. Say to Pego 96.2 FM, le son du Brésil. Goal. Un petit coucou à Pascal qui nous écoute sur le net depuis Gien. Salut la ville de Gien, vous souhaite une belle matinée. C'est 8h04 avec du soleil et Kid V qui est disque de diamant avec son nouvel album. Et ses débuts, c'était plutôt pas mal, notamment avec Viens, je t'emmène. Les souvenirs avec Kid V. Kevin Kinvey, viens, je t'emmène. Disque de diamant, le nouvel album avec Où t'étais quand même. Hein. Plutôt pas mal. La Gofa Lolita qui arrive. Et vous l'adorez, ce hit, forcément. Ça va vous faire danser ce matin, peut-être sur la tangentielle. Voici la petite culotte et Gofa Lolita. Dans la vieille village axienne, quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute. Ne soucions pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'est

l'Italie. Il y a des gens qui sont en vacances en ce moment à Rome, on les salue, ils nous écoutent sur le net aussi, 96.2 FM Orléans. Bienvenue si vous venez d'arriver, si vous allez au boulot comme Steph qui part bosser, ça y est, direction le taf pour 9h. Bon courage à toi ma Steph, du son qui arrive. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Oui, c'est Francky jusqu'à 9h, on vous réveille. Le métier de détective privé, vous connaissez certainement par certaines séries télévisées, ouais, avec des clichés souvent, l'imperméable, les lunettes de soleil, le chapeau, et on se dit, bah c'est peut-être pas un métier en fait, bah si justement, c'est un vrai métier et qui évolue, et qui progresse, et avec des nouvelles méthodes, justement, on en parlera au téléphone depuis Tours, à 8h30, avec Fabrice Brol. Voilà, faut bien le prononcer ce matin. Vous savez qu'en France, plus de 40 000 personnes, dont 18 000 adultes disparaissent sans laisser d'adresse. Et bien justement, son job, essayer de retrouver. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Fabrice Brol qui sera avec nous au téléphone vers 8h30 en direct depuis Tours. Et ça nous fait plaisir. Du son qui arrive, Annikama, Niki Niki Yam, ça vous l'adorez. Bah oui, forcément. Et puis, du son caliente avec le petit remix de la radio arc-en-ciel. Et vous l'adorez aussi. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel 96 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut, que vous soyez sur la tangentielle à Saint-Jean-de-Bray, à Olivet ou encore à Orléans. Bon courage à vous si vous allez au boulot, peut-être les vacances pour vous dans quelques jours, quelques semaines. Et bien profitez aujourd'hui des chaleurs jusqu'à 38, on vous en parle justement. La météo. La météo pour aujourd'hui, eh bien, on prend quasiment les mêmes qu'hier et on recommence avec un petit degré en moins, mais les températures sont encore chaudes. On est en vigilance orange, toujours sur le Loiret, caniculaire. Ce matin, au lever du jour, déjà 17-18 degrés. On va quand même dépasser les 38-39 degrés. La bonne nouvelle pour certains, ceux qui n'aiment pas la chaleur, demain, le ciel devrait être menaçant avec des risques d'orage. Les températures vont carrément descendre. On va perdre 10 à 12 degrés, 26 degrés. Demain avec quelques gouttes de pluie sur Orléans, Gien, Pithiviers, et ça va faire du bien, ça va arroser un petit peu parce que le jeudi bah, on met ça, on va remonter à 30 degrés. Vendredi, quelques risques de pluie encore et d'orage, et samedi retour du beau temps, et dimanche encore le beau temps devrait faire son apparition. Après en même temps c'est l'été, mais bon, caniculaire, hein. Une pensée à tous les pompiers de Gironde. Je viens d'avoir un message de mon pote de Bordeaux là, du collectif Métissé, qui lutte encore contre les incendies. Et je vous disais, le camping des Flots Bleus, là, le fameux camping du film, justement, Camping, qui est détruit quasiment à 60%, c'est énorme. Une grosse pensée pour tous les amis pompiers qui luttent. 28 degrés à l'ombre, forcément, ça vous rappelle des bons moments pour certains, les années 80. Le slow de l'été, ancien animateur de radio qui nous a quittés il y a 20 ans, Jean-François Maurice, et 28 degrés à l'ombre. Histoire de se rappeler quelques bons moments sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil avec l'ancien animateur radio. Quelle voix, écoutez, Jean-François Maurice. Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde. Le soleil est si haut, je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. ¿Qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando c'est le meilleur de la musique, le coup de soleil ce matin avec Nicky Jam, Anmi Kama. Période chaude aujourd'hui hein, pour cette semaine, normalement demain la pluie devrait venir, ça va faire du bien un petit peu, donc n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, et puis surtout pensez aux personnes âgées, si vous en connaissez aux alentours de vous, allez leur faire un petit coucou, un petit bonjour, voir si tout va bien, et évitez aussi de sortir aux heures les plus chaudes, si vous pouvez, bah oui, ça c'est super important. Afil Sobed, et puis direction Tour dans quelques minutes, pour parler du métier de détective privé. Mais quel est ce métier? Hein, les clichés, ça y est, c'est fini. On va en parler tout à l'heure. Dans moins de 4 minutes, avec Fabrice Brown au téléphone avec nous depuis Tours.

on s'aimait. À quoi bon ressasser le passé, recommencer vers les mêmes erreurs, alors qu'il reste encore des rancœurs, c'est la triste réalité. Si fort que tous ces moments qu'on a partagé, jamais je n'oublierai ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens. 7h09, c'est Francky dans la radio. Dans 5 minutes, direction Tours, détective privé. Vous connaissez ou pas ce métier? Eh bien, on en saura plus avec Fabrice au téléphone dans moins de 5 minutes avec nous depuis Tours. Belle journée et bon réveil avec le meilleur de la musique, celle qui nous a quittés il y a déjà 4 ans. Une petite pensée pour France Gall et des branches. Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. everything I do. I only think of you. A universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. Francky dans la radio, merci d'être aussi nombreux sur Orléans, vous nous écoutez sur le 96.2 FM, sur le net aussi, radio-arc-en-ciel.fr, n'hésitez pas, en Portugal on nous écoute à Gien, à Tours aussi, direction la belle ville de Tours justement. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Il fait beau, il fait chaud aussi sur Tours, détective privé. Alors, c'est qui, c'est quoi, une belle profession que vous ne connaissez peut-être pas, que vous connaissez, que vous allez peut-être découvrir ce matin. Il est avec nous en direct depuis Tours, c'est Fabrice Bro. Bonjour Fabrice. Bonjour Francky, bonjour à tous. Eh bien, ça me fait plaisir de t'accueillir ce matin sur Radio Arc-en-Ciel en direct. Merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Alors, on va arrêter un peu les clichés, détective privé, dans l'imperméable, le chapeau, les lunettes de soleil, l'appareil photo, c'est terminé tout ça, Fabrice? Ouais, ouais, ouais, la profession, c'est très réglementé, et puis l'image que l'on peut voir dans les médias, sur les réseaux, ouais, dans les films, a vraiment évolué avec des écoles, une réglementation qui est arrivée, 4 écoles en France pour se former à ce métier. Ouais. Depuis combien de temps ça a évolué? Alors, parce que les années 80, on a connu les détectives privés, hein, dans les séries télé américaines ou françaises. Depuis combien d'années? Dans les années 95 à 2000, hein, les premières écoles sont arrivées, je crois, en 2002, je crois. Ouais. Et puis, on était 3000, je crois, à l'époque, hein, lorsque j'ai commencé cette profession, et nous sommes descendus à 700 à 800 détectives en France dorénavant. Un beau métier, en tout cas, qu'on va connaître ce matin un petit peu mieux grâce à toi, Fabrice. Merci d'accepter ce témoignage. Alors, j'ai pris quelques infos. 40 000 personnes en France, dont 18 000 adultes, disparaissent sans laisser forcément d'adresse. Après, vous, c'est votre métier. On vous fait confiance, on vous contacte justement pour essayer de retrouver ces personnes, ou de moins de faire des efforts pour une famille. Oui, tout à fait. fait, le métier est très diversifié avec en effet la recherche de personnes disparues, les recherches dans l'intérêt des familles quand chacun recherche un de ses parents biologiques quand on est adopté ou quand on ne connaît pas un de ses parents ou quand on recherche un frère ou une sœur qui a disparu depuis tant d'années ou des recherches d'héritiers parfois. Et puis la profession est également d'autres spécialités telles que la surveillance, telles que les filatures pour obtenir des preuves, l'aide à l'administration de la preuve pour les procédures en justice. Justement, tu parles de justice, de preuves. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces preuves avec la justice, c'est fiable ? Est-ce que c'est légal vis-à-vis de la loi ? Devant un tribunal, par exemple ? Oui, tout à fait. On étudie justement dans ces écoles tout ce qui est atteinte à la vie privée, tout ce qui est droit de la famille, tout ce qui est droit social, droit prud'homal. On travaille sur des contrôles d'arrêt maladie abusifs. On travaille sur des recherches de solvabilité pour des personnes qui nous doivent de l'argent. On travaille pour la concurrence déloyale. Donc on a vraiment une diversité. Toutes ces preuves sont recevables grâce à un agrément que l'on obtient par le CNAPS hein, qui émane du ministère de l'Intérieur. D'accord, donc vous avez quoi, une carte officielle, quelque chose qui prouve justement que vous êtes détective privé et qui vous donne... Voilà, on a en fait un agrément et une autorisation d'exercer et puis une carte professionnelle délivrée par le CNAPS hein, qui est une commission du ministère de l'Intérieur qui réglemente toute notre profession et qui nous permet, lors de contrôles de services de police ou de gendarmerie, lorsqu'on est en pleine nuit, en surveillance, etc., de pouvoir justifier un minimum pourquoi on est là. On n'est pas obligé de dire pour qui on est là. Hein. On peut garder donc l'anonymat le plus complet et à nous d'arriver d'être discret, de voir sans être vu. C'est ça, et c'est ça le métier, voir sans être vu. Tu parlais de gendarmerie, de police. Comment se passe la relation justement détective privé et force de l'ordre aujourd'hui? Parce que c'est vrai, comme tu le disais, quelqu'un qui est en planque, un détective privé, je parle peut-être crûment là, un planque, mais ça peut être suspect pour les forces de l'ordre justement. Ça se passe comment la relation quand ils découvrent quelqu'un qui est en planque depuis 3-4 heures? Oui, alors parfois, en effet, quand on n'est pas assez discret ou quand on doit revenir de façon assez régulière dans un quartier, dans un lotissement ou autre, il arrive parfois que des voisins puissent appeler les forces de l'ordre pour dire « Tiens, voilà, il y a un véhicule suspect, etc. Est-ce que vous pourriez venir contrôler ?» Donc, en effet, on montre notre carte et ils comprennent très rapidement pourquoi on est là. Lorsqu'on se trouve un peu plus en campagne, on va voir le maire du village parfois ou la gendarmerie est la plus proche quand on sait que nous allons être là pendant une semaine ou plutôt ou 15 jours ou un mois, il vaut mieux prévenir que guérir et comme ça on reste discret plutôt qu'un gyrophare arrive. C'est ça. Quelle est la plus forte demande aujourd'hui, toi à ton niveau par exemple en tant que détective privé sur Tours et puis toute la France, quelle est la plus forte demande? Alors c'est vrai qu'on travaille mission qu'on demande à l'international. Donc moi je fais beaucoup de recherches de personnes disparues, de recherches familiales, des personnes qui ne connaissent pas leur père, leur géniteur, et puis tout ce qui est contrôle d'arrêt maladie abusif. Malheureusement, les Français se mettent de plus en plus en arrêt, et notamment en période de vacances, et parfois des employeurs, des chantiers quand c'est dans le bâtiment sont bloqués parce que des salariés abusent un peu de ces arrêts maladie grâce à l'aide de certains médecins et parfois pour éviter de perdre du temps et il faut trouver un accord amiable, et bien l'employeur nous demande d'aller chercher des preuves pour faire constater un flagrant délit avec des huissiers de justice parfois. Ouais, justement, ça c'est pas le boulot de la Sécu, parce que la Sécurité sociale, ils ont peut-être beaucoup trop de travail. Je pense que oui, en effet, la Sécurité sociale fait son travail comme elle le peut, avec ses moyens, mais parfois ça va beaucoup plus vite en utilisant notre profession avec un bon avocat. Et c'est payant, après. C'est toujours délicat. On travaille beaucoup avec les avocats, les huissiers, les notaires. Et on a vraiment un métier qui prend de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'enquêteurs et de jeunes qui se forment dans nos écoles. Non, ça se passe relativement bien lorsque les choses sont bien cadrées, lorsque les choses sont apportées à la justice, auprès de la justice, les juges apprécient qu'on puisse déceler les fraudes et généralement les clients gagnent cause. Hein. Ouais. Comment ça se passe autour de toi quand tu dis moi je suis détective privé, si tu le dis, on réagit comment? On le dit pas, Francky, justement. je sais bien, mais... Oui, c'est ça. Non, mais tu as raison, c'est une bonne question. C'est une question à double sens, hein. C'est vrai qu'on le dit pas. Non, exactement, on essaie d'être discret. Moi, j'ai des proches. Bon, maintenant, la télévision me suit sur certains reportages dans le cadre de recherche familiale. Donc, maintenant, on commence à savoir ce que je fais. Mais il y a 5 ou 10 ans encore, je disais comme j'ai deux activités, une activité de généalogiste et de détective, j'arrivais je disais que j'étais généalogiste simplement, ça couvrait l'autre activité. En tout cas, un beau métier qu'on découvre ce matin. Combien de temps de formation pour aujourd'hui devenir, si on veut devenir détective? Il faut avoir un bac plus 2, avoir fait un peu de droit, et puis ensuite on part sur 4 écoles, une qui se trouve Les Arpes à Paris 13e, une autre à l'IFAR à Montpellier, et puis 2 écoles universitaires qui sont l'université Vauban à Nîmes, et puis une autre, l'université Paris-Assas à Melun, pour 1 à 2 ans de formation. Ouais, y a Pascal qui me pose une question. Attends, combien de temps pour une enquête en général? Une enquête, ou une filature, je sais pas comment on appelle ça. Oui, alors quand c'est sur de la surveillance et de la filature et que les preuves s'accumulent, les juges apprécient qu'il y ait de la récurrence, hein, c'est-à-dire que les preuves s'accumulent sur plusieurs semaines. Quand on traite de l'adultère, quand on traite des divorces, des pensions alimentaires, des gardes d'enfants, on dirait qu'on peut, ça peut être une enquête. Il faut que ça soit proportionné aux besoins, car sinon le juge dit attention, vous avez atteint la vie privée donc d'autrui. Ah oui. Et donc il faut, je dirais, 2 à 3 semaines de surveillance. Pour ce qui est des recherches de personnes disparues, ce sont parfois des enquêtes qui peuvent durer entre 3 mois et 2 ans. Ouais. Pour toi, les demandes affluent de plus en plus, ou alors c'est restreint, c'est avec les années peut-être que les demandes sont plus fortes sur quoi? Sur l'adultère, sur le travail comme tu disais? Oui, sur le travail, hein, pour les droits Prud'homo, de plus en plus. Malheureusement, il y a de plus en plus de divorces également, donc pour les gardes d'enfants, pour les révisions de pension alimentaire ou compensatoire. Et puis, de plus en plus, je me suis spécialisé dans les recherches génétiques à partir de tests ADN généalogiques que l'on fait dans des laboratoires étrangers. Ouais, aux États-Unis notamment. Comment? Aux États-Unis notamment, ouais. Ouais, ce sont des demandes qui augmentent de plus en plus, donc c'est vraiment un métier en vogue. Eh bien, un beau métier en tout cas qu'on a découvert ce matin en quelques minutes. On va pas faire, sinon on a pour jusqu'à midi à parler du métier, ça c'est sûr. On voulait faire un petit tour et ça me fait plaisir que tu nous aies accordé ces quelques minutes en direct de Tours. On peut te retrouver où, toi, ton agence est à Tours? Oui, on travaille partout en France et même en Europe ou un peu plus loin. On peut me retrouver dans mon livre Profession détective, je me fais un peu de publicité. Ah, tu peux, ouais, un beau bouquin, ouais. Qui vient de sortir, où on découvre les différentes ficelles de mon métier. Et puis sinon, on me retrouve sur mon site internet, www.agencefbi.com. Ouais, ça se trouve, ce matin, tu auras des nouveaux contacts. Hein. Non, jamais. Merci à vous, en tout cas. Je veux savoir où est ma femme ce matin. Hein. Je veux savoir, oui. Vous voulez le savoir où elle est? Bah, appelez Fabrice. C'est sympa, merci à tous. C'était le petit coup de déconnade, bien sûr. Hein. Votre femme, elle est au bureau ce matin, enfin, j'espère. Fabrice, merci de ce témoignage depuis Tours. À bientôt, Francky. Merci à tous les auditeurs. Et puis, peut-être à bientôt. Eh bien, à bientôt, merci. Bonne journée à toi. Salut. Yeah. You wanna know? Act just like you know. Ooh, whoa, whoa, ooh, just ought to know. Ooh, yeah. Ooh, when you're feeling down and low, and you need a place to go. Just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Yeah. special. Like you don't, and you won't. So we set the stage for you to see that dancing makes you really wanna be. Yeah. Ça nous rappelle des souvenirs. Merci à Fabrice Brown qui a témoigné depuis Tours le métier de détective privé. Vous avez pu en savoir un petit peu plus ce matin. Heureux d'être avec vous. C'est Francky jusqu'à 9h. Je vais vous retrouver demain à partir de 7h. Monsieur Laurenceau qui est en pleine forme avec cette belle chaleur. Rendez-vous demain, 7h, 9h sur Alain Branciel. Passez une excellente matinée. Bande à la planète, 8h58.